Il y a le temps où elle combat contre ses égaux et où elle est en péril. Il dure un peu plus de 500 ans et finit à la ruine des Gaulois en Italie et de l'Empire des Carthaginois. Celui où elle combat, toujours plus forte et sans péril, quelque grande que soit la guerre qu'elle entreprenne. Il dure 200 ans et va jusqu'à l'établissement de l'Empire des Césars. Celui où elle conserve son empire et sa majesté, il dure 400 ans et finit au règne de Théodose le Grand. Celui enfin où son empire, entamé de toutes parts, tombe peu à peu. Cet état, qui dure aussi 400 ans, commence aux enfants de Théodose et se termine enfin à Charlemagne.